On va parler de patinage de vitesse sur courte-piste. C'était la deuxième tranche de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte-piste. Marianne Saint-Gelais, en fin de semaine, quoi, quatrième aux 1500 mètres et aux 500 mètres. Elle a été disqualifiée aussi. On en parle avec François-Olivier Robert. Salut, François. Salut. François, effectivement, comment qu'on peut qualifier cette performance de l'équipe canadienne en fin de semaine? Une fois une grande performance. Là. La semaine passée, on parlait de que les filles avaient super bien fait. Là. Marianne et Kim étaient montées deux fois sur le podium. Mais on avait aussi constaté que les gars avaient été moins bons là, sur le plan individuel. Puis en fin de semaine, ça a été les filles ont encore été excessivement bonnes. Kim Boutin a fait deux podiums. Après quatre Coupes du Monde à l'automne, il y en avait quatre. C'est fini pour cet automne. Là, donc, elle a sept médailles individuelles. Hey, donc, c'est pas mal. C'est pas mal l'histoire de l'automne. Là. Kim, qui est excessivement forte, on l'avait vu aux sélections olympiques, mais c'était dur de savoir là, comment elle se comparerait avec les autres filles à l'international. Puis, c'est vraiment une des filles à battre. Vraiment, là, dans sa finale du 1000 mètres, c'est impressionnant. Là. Deux Coréennes, Ellis Christie, avec Ellis Christie aussi, puis une Chinoise. Puis, ouais. Elle bloque, dans le dernier tour, elle bloque Ellis Christie, elle fait un dépassement sur une des Coréennes, elle va chercher la médaille d'argent. Vraiment, vraiment une belle performance tout le long des Coupes du Monde pour Kim. Ensuite, en fin de semaine, Marianne a eu deux quatrièmes positions. Donc, c'est sûr que je l'ai vu publier une photo. Je pense qu'elle disait quelque chose comme fin de semaine au bureau frustrante parce que deux quatrièmes, c'est juste à court des médailles. Mais ça reste qu'elle était quand même dans les finales, dans les grandes finales deux fois. Elle était juste sur le bord du podium. Je pense qu'elle va être satisfaite quand même de ça. Puis, à noter aussi Cassandra Bradette, qui a gagné la finale B aux 500 mètres. Hein. Cassandra, ça la met cinquième, donc, dans cette course. Elle était juste là pour le 500 en fin de semaine, 500 et relais. Mais donc, elle a vraiment fait le travail. Là. Cinquième, c'est excessivement bon. Donc, si ça avait été moins bon la fin de semaine passée, là, il y a Charles Hamelin qui a eu une super, super médaille d'or au 1500. Vraiment, là, la course, ça faisait longtemps qu'on avait vu. Parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais vu un Charles comme ça, avec vraiment dominant. Là. Il a fait un dépassement à la fin, juste « Bonsoir, je vais chercher la médaille d'or. » C'était vraiment bon. Puis Sam Girard, qui a eu une autre médaille, cette fois-ci, au 1000 mètres. Donc, Sam, ça lui en fait trois pour l'automne. Deux au 1000, puis une d'or au 500 mètres. Donc, lui aussi, il était très bon là, tout l'automne. Donc oui, une super bonne séquence pour nos patineurs qui s'est conclue à Séoul avec des belles performances. Puis là, les Coupes du Monde sont terminées. Ouais. C'est drôle à dire, c'est terminé jusqu'aux Olympiques. Oui, monsieur, OK. C'est une préparation quand même assez... c'est assez spécial comme préparation pareil. Normalement, ouais, il y en avait une en décembre. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ben, c'est ça. C'est comme là, c'est positif pour nos patineurs, je pense, parce qu'ils ont été super bons. Donc... Mais je veux dire, il n'aurait pas été mieux d'avoir une en décembre, quoi, une préparation, quelque chose? Je sais pas c'est pourquoi le calendrier est fait comme ça. Okay. J'imagine que c'est pas pour surcharger, parce que j'imagine qu'il y a d'autres pays il y a d'autres pays qui doivent faire leur qualification olympique en décembre. Okay. Donc, les Coupes du Monde sont faites comme ça pour laisser une place aux autres pays de tenir leur compétition nationale. Mais nous, on le sait, les compétitions nationales, c'est au mois d'août, l'équipe est prête, donc... T'avais jusqu'au mois d'août, il fallait qu'ils soient en super forme. Ils ont tenu cette forme-là pour les Coupes du Monde. Fait que là, ça va leur donner un moment d'entraînement pour sortir un peu de ce mode-là de compétition chaque semaine, puis de revenir là, pour les Olympiques, donc début février, dans la même forme qu'ils ont présentement. Ça va être ça le défi. Hein? Ça va être de retrouver les feelings qu'on avait en Coupe du Monde maintenant. J'imagine qu'ils vont faire plein de simulations de course, puis tout ça, là, parce que le patinage de vitesse courte-piste, c'est un sport qui. Il demande beaucoup d'ajustements côté. C'est pas juste de la forme et de la technique. Oui. Là, il faut être en mode course, il faut être bon. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire des courses entre le 19 novembre et les Olympiques. Là. C'est juste que ce ne sera pas des Coupes du Monde. Ben, ça va être probablement des courses d'entraînement, des courses un peu comme. Je sais que des fois, ils participent à des compétitions nationales. Ouais. Ça arrive souvent dans ce cas-là. Fait que, moi, j'ai hâte de voir le plan, je n'aurais pas parlé là-dessus. Je vais pas en, je parler à Marianne cette semaine, fait que je vois Marianne ou Cassandra, ouais. Une des deux. Fait ouais. que je vais lui en parler, voir que, comment ils trouvent ça de ne pas avoir de compétition officielle, mettons, entre les Olympiques puis, puis la Coupe du Monde. Avec Cassandra ouais, Badette. C'est un long moment. Cassandra Badette, finale du B, est-ce qu'on prend ça au sérieux? Normalement, est-ce que ceux-là qui sont en finale du B prennent ça au sérieux? Ah, vraiment, ouais. Parce que surtout avec la façon que c'est monté, les compétitions, là, comme là, quand il n'y a pas de surclassement, il était seulement 4 en finale. Okay. Donc, 4 en finale, si tu gagnes ta finale du B, t'es 5e. Le 5e au monde, c'est pas rien. Puis en plus que là, les points étaient super importants pour les sélections, pour les Olympiques, en fait, pour placer des spots pour les Olympiques. Donc, tu sais, souvent, bon, les personnes veulent des médailles, puis c'est cool, là, mais d'aller chercher des points, puis des précieux points pour une 5e position, là, c'est sûr qu'elle était contente, Cassandra. Là. C'est une course importante, puis je pense pas qu'il y a beaucoup de patineurs qui arrivent en finale B de façon légère en se disant, bof, c'est juste une finale B, là, parce que c'est pas ça le coup de piste. Là. Mm-hmm. C'est important, les finales B. Ben, effectivement. Donc, Charles Hamelin, lui, doit être content, pareil. Il doit être content sûrement hein, pour la. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné une compétition. Fait que, ouais. Fait je pense qu'il... J'ai vu sa course, son 1500 qui a fini avec l'or, puis j'ai vu sa réaction après. Puis comme je disais, là, il a été vraiment fort. Tu sais, des fois, en courte piste, sans rien enlever à personne, là. Des fois, tu es dans une finale, puis déjà, d'être dans la finale, c'est super, mais des fois, il y a quelque chose, il y a des événements qui se passent en avant, t'es 3e, 4e, il y a une chute en avant, finalement, tu gagnes la course. Puis là, c'était aucunement ça. Là. Charles était en bonne position toute la course, puis il est allé créer son dépassement. Il y avait plus de vitesse, il était plus fort que le Coréen. C'est parce qu'une médaille d'or, c'est une médaille d'or, mais la façon qu'il l'a fait, puis convaincu que ça lui donne des ailes, là, puis comme on disait, ils sont un long bout sans compétition. Je suis convaincu qu'il va avoir ce feeling-là, cette sensation-là qu'il est allé chercher dans ce 1500 mètres-là. Il va amener ça jusqu'au jeu, puis c'est juste positif pour lui puis pour l'ensemble de l'équipe. Ah oui, effectivement. Fait que Marianne, 4e position. Elle devait être déçue un peu, Marianne. Hein? Ben, c'est ça. C'est juste à cause du podium. Dans son cas, c'est pas comme justement Kim Boutin qui disait... Kim Boutin dit... je suis contente parce que je voulais à Séoul, oui, les médailles, mais je voulais aller créer des bons souvenirs que j'allais amener jusqu'aux Olympiques puis que j'allais me rappeler de ces moments-là en course aux Olympiques. Ben, Marianne, c'est ça, c'est juste pas aussi hot qu'elle aurait pu espérer. T'sais, elle aurait pu avoir 2 médailles puis finir les Coupes du Monde d'automne avec ça. Mais en même temps, Marianne, c'est une personne d'expérience puis je suis convaincu qu'ils vont aller chercher le positif là-dedans. Comme on disait, c'était des finales. T'sais, une fois que tu es en finale, une grosse partie de la job qui est faite. Donc après ça, ça va être aux Olympiques à finir juste du bon côté de la bulle, puis pas finir 4e, mais de finir sur le podium. Puis Marianne, juste des podiums. Je pense qu'elle espère le sommet du podium aux Olympiques. Donc je pense pas que ça va lui nuire dans sa préparation d'avoir fini 4e, mais je sais qu'elle aurait préféré là, monter sur le podium, c'est ça. OK. François, ben, on va se reparler. Ça fait pas mal de tour pour cette semaine. On va se reparler lors du temps des fêtes. Je fais toujours une rétrospective de l'année dans le monde du sport. Puis ici, ben, le patinage de vitesse, c'est je le disais, la blague, c'est le patinage, c'est le sport national du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Juste à voir l'équipe canadienne, surtout chez les femmes, on comprend bien les affaires. Fait que on va se reparler durant le temps des fêtes. C'est super, je vais être là pour parler de ça de toute l'année. Puis de qu'est-ce qui s'en vient aussi? Okay. François-Olivier Robert, notre collaborateur de patinage de vitesse sur côté.